Radio Campus Lille, 19h. Un joyeux métissage. Quoi ? Mais c'est quoi ce bazar ici encore ? Le samedi 7 janvier à Méricourt, de 18h à 2h, c'est la fête à Loïc Lantoine qui rend hommage à Alain Leprest. Avec Loïc Lantoine, La Rue est à nous, Géant, Mélis Mel, Thomas Pithiot, Françoise Cucheda, Promézil, Fantine Leprest et d'autres invités surprises. Rendez-vous à l'espace Ladoumec de Méricourt. Entrée 8€. Renseignements et réservations au 03 20 91 28 75. Merci. On va partir en tournée ensemble, hein, je le sens. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus 106,6. Quand le soleil s'éteint sur le dépôt des trains, ici s'allume le petit peuple du bitume. Quand la nuit se conforme Bonsoir, il est 19h, avec une poignée de secondes, vous écoutez Radio Campus et plus particulièrement Soigne ta gauche dans son volet du troisième jeudi du mois, Angle d'attaque. Du neuf aujourd'hui, puisque à part que nous renouons avec le direct, nous abordons la pratique d'un entretien à plusieurs voix avec un nouvel animateur Gaëtan et qui est doctorant et qui est évidemment membre d'attaque. Gaëtan aura trois invités ce soir, qu'il présentera lui-même, des invités d'importance, vous le verrez, vous les entendrez, sur un thème grave, la souffrance au travail. Je reparcourais cet été quelques pages de « Souffrance en France », qui date de 1998. C'est un livre qui a fait découvrir un peu la souffrance au travail à tout le monde. Et je me disais qu'est-ce qu'il en était aujourd'hui, dans les entreprises, dans les administrations, dans le privé, dans le public. D'ailleurs, le public dans lequel je suis n'est pas épargné, comme nous allons le voir. Le schéma de l'émission, pour autant, ne change pas. René va bientôt nous parler de l'actualité d'attaque. Après le débat, qui est la deuxième partie, nous vous parlerons de nos lectures. Et comme à l'accoutumée, l'ami Antoine nous donnera les manifestations qu'il ne faut pas rater au cours des quatre semaines prochaines, en dehors de la messe de Noël, bien sûr, et du réveillon. Et puis, ce que j'ai parlé des manifestations à ne pas rater, avec Attaque, vous avez le droit de rater des manifestations importantes. Les deux dernières, avec Gustave Massia, ont été enregistrées et sont sur le blog d'Attaque Lille. Et même cadeau de Cité Philo, nous avons l'enregistrement de la lecture de la pièce de Frédéric Lordon, avec débat ensuite, et son inévitable complice maintenant quand il vient à Lille, Laurent Cordonnier. Bien, Nous avons un peu changé le rythme à partir de janvier. Nous gardons le troisième jeudi du mois pour l'émission. Mais pour discuter de l'émission après, nous avons retenu à la Bresse le quatrième lundi, le premier lundi de la quatrième semaine. Je bafouille, c'est le lundi, le quatrième lundi du mois. Voilà. J'espère ne pas trop vous embrouiller, en tout cas pas autant que moi. Vous êtes sur attaque, sur angle d'attaque 106,6 et non pas 106,6 comme j'ai eu l'accoutumé de le dire. Et René va nous parler de l'audit des banques et de ce qui s'est passé en 2011 à attaque et y compris les Amis de la Terre. Allez, vas-y René, c'est à toi. Tout d'abord, la poursuite de la campagne collective pour un audit citoyen de la dette publique que j'avais évoqué au cours de l'émission d'octobre. Oui. et dont l'objectif était d'évaluer la légitimité de la dette publique tout en informant les citoyens. Donc, pour rappel, 28 organisations avaient répondu à l'appel d'attaque. Et depuis, les échanges d'informations, d'analyses et d'opinions se multiplient sur la liste de diffusion. Des comités locaux d'audit citoyen de la dette publique se mettent en place, comme par exemple le collectif départemental 31 à Toulouse, qui a organisé le 30 novembre dernier un meeting où est intervenu d'ailleurs Pierre Calfa du conseil scientifique d'attaque. Également la parution d'un livret disponible sur Internet, Les dettes publiques locales, un enjeu citoyen essentiel, réalisé par Patrick Sorin, membre de l'exécutif national Sud, Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Donc en conclusion, on peut dire que les moyens d'action, constitution et publication d'une documentation, relais au plan local par des collectifs, organisation de réunions et débats publics se développent. D'ailleurs, nous avons un projet ici sur la métropole. Je vous parlerai un peu après. D'autres campagnes, donc la taxe nationale sur les transactions financières en partenariat avec Oxfam et Aide. Prendre Sarkozy au mot, donc cette campagne se poursuit. Il y a également la préparation du forum alternatif de l'eau qui est prévu en mars 2012 à Marseille pour faire contrepoint au forum mondial de l'eau. On signale aussi bien sûr la présence d'attaque et son soutien au mouvement des indignés ainsi que dans de nombreux collectifs comme le réseau Sortir du nucléaire, divers mouvements en France et à l'étranger contre l'exploitation des gaz de schiste et contre les grands projets nuisibles. Enfin, on peut parler aussi de la campagne « À nous les banques », dont en conclusion, une brochure de synthèse d'une dizaine de pages vient de paraître, intitulée « Les banques sous pression citoyenne, l'heure de rendre des comptes ». Oui, alors cette brochure, nous allons en parler au mois de janvier. Et nous allons faire un peu le point sur cette campagne qui a été menée conjointement avec les Amis de la Terre. Voilà. Un petit mot sur le sommet de la Convention climat à Durban, donc qui s'est déroulé du 28 novembre au 9 décembre, et où ATTAC et Hi-Tech étaient présentes. Elle s'achève par un accord sans engagement, qui trahit ainsi le traité de Kyoto, et nous condamne à un réchauffement de la température globale de plus de 4 degrés en 2050. Car le traité de Kyoto reconnaissait la responsabilité historique des pays industrialisés et leur assignait des objectifs obligatoires de réduction des émissions jusqu'en 2012. Il devait être pérennisé pour la période 2012-2017 par le sommet de Durban. Ce sommet ouvre seulement la perspective d'un nouveau traité qui serait applicable en 2020 et dont la mise en place serait prévue dont le processus préparatoire est prévu au cours de diverses réunions en 2012 et 2015. Cette fois, il s'étendrait à tous les pays sans distinction, donc abandon de la responsabilité historique des pays industrialisés, et serait légalement non contraignant. Donc ce renoncement au principe de la Convention climat de l'ONU de 1992 et du processus de Kyoto de 1997 est le reflet de la substitution progressive du G8-G20 aux institutions onusiennes. Merci René. Donc nous allons passer au débat. D'accord. Gaëtan va se proposer au micro. Et on fait d'abord une petite pause musicale pour nous organiser un peu mieux. Voilà. Zwischen zwei Fragen in der Lücke, zwischen zwei Tagen nie. Nichts mehr zu sagen, kein Leid mehr zu beklagen. Und ich nahm den Wagen und ging vor ihm in die Knie. Ich sagte, ich weiß nicht weiter, war ich noch nie, war ich noch nie. Ich und der Wagen und der Bienen, schwarm im Magen und die Straße, die zu schlagen war. Wir haben uns vertragen, aber vor zwei Tagen ging der Wagen in die Knie. Er sagte, ich weiß nicht weiter, war ich noch nie, war ich noch nie. War ich noch nie, war ich noch nie, war ich noch nie, war ich noch nie. Ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht. Mein Magen und der Kopf in meinem Kragen liefen, blind getragen von zwei Füßen, die nichts sagen, außer wird dich geschlagen und geh endlich in die Knie. Ich sagte, ich weiß nicht weiter, war ich noch nie. Vous êtes toujours sur 106,6. Vous écoutez l'émission Angle d'attaque et nous allons parler avec Gaëtan de souffrance au travail, un thème fort d'actualité, comme vous allez pouvoir en juger. Oui, bonjour à tous, merci Christian. Donc nous sommes effectivement, on s'inscrit aujourd'hui dans un contexte économique assez particulier, avec une évolution contemporaine depuis maintenant une trentaine d'années, hein, à peu près. Dans cette conjoncture économique, on valorise différentes choses comme la flexibilité au travail, l'initiative individuelle et paradoxalement le travail par équipe et par projet. Donc plus largement, le travail aujourd'hui et son organisation s'inscrit dans un discours managérial qui vante très largement les mérites de l'autonomie et donc du bien-être au travail. Pourtant, on peut penser que cette autonomie et plus généralement le bien-être au travail n'est qu'apparent, tant les conséquences visibles semblent affirmer le contraire. Donc le contrôle du travail semble s'être vraiment renforcé, donc même si la figure du contremaître a un peu disparu du champ de vision, le contrôle est présent sous quelle forme ? Sous le contrôle individuel, ce qu'on peut appeler une forme d'autocontrôle ou un contrôle entre pairs, entre collègues de travail, ce qui a pour conséquence sûrement à diviser un peu plus les collectifs de travail et à être un facteur supplémentaire de stress. Bon, la charge au travail semble augmenter et la distinction entre vie privée et vie professionnelle semble s'amenuiser, notamment avec les problèmes d'organisation des horaires de travail. Bon, je ne vais pas en dire plus parce que nous avons aujourd'hui pour en parler des gens très, très compétents et je les remercie déjà de nous avoir fait l'honneur d'être venus. Donc autour de la table pour discuter de la question de la souffrance au travail, nous avons Pierre Joanny de Sud Travail qui par ailleurs est inspecteur du travail. Nous avons, bonsoir Pierre. Bonsoir. Nous avons Annick Macala qui est inspectrice santé et sécurité au travail dans la fonction publique. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons DJ Delinotte de Sud PTT, qui est par ailleurs président du comité d'attaque Roubaix-Tourcoing. Et à l'initiative, il nous en parlera de la création de l'Observatoire de la souffrance au travail dans la région Nord-Pas-de-Calais. Bonsoir, bonsoir DJ. Alors, pour rentrer d'emblée dans le vif de la discussion, bon, je vais vous lancer une question très générale. Alors, on est censé parler de souffrance au travail aujourd'hui. Donc, je pense que dans un premier temps, il serait pas mal de définir un peu ce que c'est que cette souffrance au travail. Comment elle se rend visible aujourd'hui et quelles évolutions en fait on peut détecter par rapport à, on va dire, à l'organisation standard du travail qui était celui des 30 Glorieuses. Alors peut-être un avis plus particulier sur le secteur privé pour commencer dans un premier temps. Pierre Joanny, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette souffrance au travail aujourd'hui ? Oui, ben moi je suis pas un théoricien et par contre je suis un observateur de par mon métier, c'est-à-dire que mon métier ça consiste à veiller au respect de la législation du travail dans les entreprises privées. Et cette législation du travail met à la charge des employeurs la préservation, en théorie, la préservation de la santé physique et mentale des salariés. Alors c'est un peu la contrepartie du lien de subordination, puisque dans le secteur privé, donc je ne veux pas faire un grand cours de droit, mais dans le secteur privé en tout cas, il existe le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique et économique en période de crise, mais juridique déjà qui soumet le salarié aux directives de l'employeur qui est chargé de vérifier la qualité du travail, mais qui est chargé aussi de sanctionner entre guillemets, les écarts entre guillemets des salariés, la punition la pire étant le licenciement. Et donc c'est déjà une forme de souffrance que le licenciement soit pour motif personnel ou pour motif économique. Et en tout cas, c'est déjà une forme de violence et de souffrance d'apprendre qu'on est licencié, qu'on va perdre son emploi, qu'on va se retrouver sur le marché du travail. Le spectre de la souffrance dans les relations de travail est particulièrement large à mon avis. Alors après, bah, y a tout ce qui relève de la charge physique, c'est-à-dire le bruit, les contraintes de port de charge, les gestes répétitifs, l'exposition aux produits toxiques dangereux, etc. Et puis il y a, et c'est peut-être un phénomène un peu plus nouveau, il y a tout ce qui est charge mentale. Et la charge mentale, elle se développe dans les entreprises et génère de la souffrance par il me semble, les nouvelles formes de management qui se caractérisent par une grande individualisation des salariés, par une mise en concurrence entre eux, par des fixations d'objectifs, des entretiens d'évaluation qui vérifient en face à face avec le chef, si je puis dire, que les objectifs précédents ont été atteints, qui en fixent des nouveaux en essayant d'obtenir toujours plus. Finalement, c'est une nouvelle forme de l'exploitation traditionnelle, quoi. C'est comment... On voit bien la largeur de la paix, de la souffrance. Et donc, dans cet ensemble très, très vaste et très diversifié, donc, quelle est concrètement la responsabilité de l'employeur ? Alors, je l'ai sous les yeux. Je pense qu'on ne va pas beaucoup parler du Code du travail, bien qu'on l'a amené, là, je vois. Mais il y a quand même un article qui est important et qui s'impose autant à l'employeur public qu'à l'employeur privé. Il est très court et il confirme les obligations de l'employeur. C'est repris d'une directive européenne qui s'impose aux pays membres, d'une directive européenne. Et donc, c'est repris texto dans le Code du travail. L'employeur, qu'il soit public ou privé, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et il a été rajouté dans le Code du travail de 2012 des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures, ce qui sous-entend une obligation de résultat pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Donc c'est le premier article du volet santé et sécurité au travail du Code du travail. J'insiste bien là-dessus, qui s'impose autant dans le secteur pour le travailleur du privé que pour le travailleur du public. Donc voilà, l'obligation de l'employeur, c'est de veiller à la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs. Alors maintenant, pourquoi le travail fait souffrir ? C'est vrai, le travail fait souffrir. On pourrait... Alors, pour moi, le travail fait souffrir selon les lectures et dans le cadre de nos rencontres et de notre contact sur le terrain avec les travailleurs. On peut dire que le travail fait souffrir parce que le travail, il est porteur de promesses d'émancipation sociale, de promesses d'épanouissement, de bien-être, etc. Et que on souffre à partir du moment où il y a un écart entre ce qu'on attend, ces promesses du travail, et la réalité. Et donc, effectivement, c'est, comme disait mon voisin, il est vrai que le management des organisations du travail peuvent être pathogènes. Et on le constate régulièrement lorsque nous sommes allés sur le terrain à la rencontre des travailleurs. Il y a des organisations du travail qui ont un impact sur la santé des travailleurs. Vous parliez du collectif. Effectivement, avant, il y avait le collectif. Et on a tendance à mettre en place un management sur la performance individuelle, alors qu'auparavant, on pratiquait un management sur la performance collective. Alors, plus concrètement, et avant de donner la parole à Didier Delinotte pour nous présenter l'observatoire qui est en train de se mettre en place dans la région Nord-Pas-de-Calais, quels sont les nouveaux types de souffrances au travail que l'on peut distinguer aujourd'hui ? On entend beaucoup parler de troubles musculo-squelettiques ou de stress dû notamment à l'interface client avec la montée des emplois dans les services. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est visible sur le terrain, hein ? Vous êtes donc des gens de terrain, comme vous l'aviez signalé en introduction de cette discussion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Moi, je ne pense pas que les troubles musculo-squelettiques, ça soit vraiment nouveau. Ils sont peut-être mis plus en avant actuellement, mais il y a quelques années, quand il y avait peu d'aide à la manutention des charges, dans les entreprises industrielles, les gens qui portaient, ils arrivaient à l'âge de 50 ans, ils ne pouvaient plus porter grand-chose parce qu'ils étaient cassés, quoi. Ce qui est sans doute nouveau, c'est la prise en compte des TMS, des troubles musculo-squelettiques, comme un risque professionnel qu'on doit traiter. Parce qu'il y a des maladies professionnelles, on va vers des reconnaissances de maladies professionnelles, etc. Et puis on va aussi... puisqu'il paraît qu'on va travailler de plus en plus longtemps, vers le fait que des travailleurs a priori plus âgés qu'avant seront soumis à des contraintes physiques, alors qu'avant, ils étaient soit à la retraite, soit en invalidité ou en inaptitude. Est-ce que vous prenez régulièrement des mesures sur les travailleurs vieillissants, précisément ? Est-ce que vous êtes appelé pour des choses comme ça ? Pour l'amélioration du travail pour les travailleurs vieillissants. Il existe ce qu'on appelle des médecins du travail ou des médecins de prévention qui sont une obligation aussi, il faut le souligner, une obligation qui s'impose dans les organisations du travail. Et le rôle de ces médecins, donc du travail dans le privé et de la prévention dans le public, ont pour responsabilité d'adapter, de veiller à ce que le travail soit adapté à l'homme. Parce qu'il y a un principe général. Il y a des principes généraux dans la directive européenne. Dans le Code du travail, on dit qu'il faut adapter le travail à l'homme. et non pas l'homme au travail. Donc c'est important de vérifier, et il y a ce qu'on appelle des métiers pénibles qui nécessitent une surveillance médicale annuelle, et le médecin a pour mission d'adapter le travail aux capacités. Et comme disait mon voisin, effectivement, il y a des activités, il y a des métiers qui usent prématurément des travailleurs. Il suffit de voir leur espérance de vie par rapport à d'autres métiers, et où il y a nécessité donc d'adapter, et il y a ce qu'on appelle des aménagements de postes qui doivent être proposés aux travailleurs. Alors malheureusement, tous ces principes qui sont dans la législation du travail, ils sont pas sanctionnés pénalement, et ils restent un peu au niveau du principe. C'est-à-dire que ils conservent un caractère un peu abstrait. Par exemple, c'est pas interdit de licencier collectivement, de licencier brutalement. C'est pas interdit de fixer des objectifs inaccessibles. C'est qu'une question d'appréciation. C'est pas interdit de les augmenter encore l'année suivante. C'est pas interdit de mettre les salariés en concurrence. Par contre, l'employeur est censé préserver la santé physique et mentale. Et avec des comportements comme ça, manifestement, il ne préserve rien du tout. Au contraire, il a un comportement qui est destructeur. Alors, je veux pas dire qu'il faut revenir au bon vieux temps, parce que c'est pas l'objet. Et puis je pense que le bon vieux temps revient pas. Il était pas si bon que ça. Et que de nouvelles solidarités, de nouvelles organisations collectives devront émerger. Mais je voulais juste donner un exemple. Il y a une vingtaine d'années, dans la vente par catalogue, quand la chaîne de ramassage allait trop vite, il y avait toujours un délégué pour tirer l'arrêt d'urgence, et tout le système s'arrêtait. Ce genre de truc, je pense que c'est devenu rare, parce que les gens ont des comportements, enfin le traitement, le management qu'on leur fait subir les conduit à avoir des comportements trop individuels les uns par rapport aux autres. Vous évoquez les nouvelles formes de souffrance au travail. Il est vrai qu'on voit de plus en plus, au niveau des jurisprudences, apparaître le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, mais aussi d'autres formes de souffrance qui sont liées à la violence dans les services, donc des travailleurs qui sont confrontés dans des relations de travail, dans des situations de violence. Donc effectivement, il y a la réglementation. Malheureusement, effectivement, on a tendance à l'oublier. Je dirais que le problème qui se pose, c'est un problème d'ignorance aussi. Le code du travail existe, et ce qu'on peut observer, moi il m'est arrivé d'intervenir dans des conférences et de voir face à moi des enseignants dire « Quoi ? Nous avons aussi un inspecteur santé-sécurité au travail. Nous sommes l'employeur qu'est l'État, a obligation de veiller à notre sécurité. Il y a une surveillance médicale obligatoire. Il y a un document unique où on doit recenser tous les risques professionnels. Il y a un CHSCT avec des organisations syndicales qui sont de véritables acteurs et partenaires du bien-être au travail. C'est important de communiquer. Je pense que c'est un peu l'objet d'aujourd'hui. Effectivement. Et on parlait de nouvelles formes collectives pour lutter contre cette souffrance au travail. Donc vous venez d'évoquer les CHSCT. Bon, ça m'inspire quelque chose. Dans ma petite expérience syndicale, la première chose qu'on m'a appris, c'est qu'un droit qui n'est pas appliqué est un droit perdu. Mmh. Effectivement, je pense que la première chose à faire est de rappeler l'épais code du travail et tout son contenu. Effectivement, si déjà on appliquait le droit existant, on réduirait pour beaucoup la souffrance au travail. Et donc, il y a également d'autres choses à mettre en place, des structures peut-être externes à l'entreprise. Et donc, je prends la balle au bon pour vous interroger, DJ Delinotte. Je suis impatient d'entendre parler de cet observatoire qui se monte dans la région Nord-Pas-de-Calais. Nous vous écoutons. Alors cet observatoire, on avait une certaine avance sur la question de souffrance au travail à France Télécom, qui est mon entreprise. Donc on connaît la mode des suicides, comme aurait dit un ancien PDG. Donc c'est quelque chose comme 65 en deux ans. Effectivement, il y a eu donc la création d'un observatoire du stress et des mobilités forcées à France Télécom Orange. Donc, à l'initiative du syndicat Sud PTT et aussi de la CFE-CGC. Donc, un organisme qui s'est donné pour mission de justement, parce qu'on tentait d'observer la souffrance au travail, parce que le mot est un observatoire, mais de médiatiser le plus possible et de faire en sorte que la souffrance au travail subie par beaucoup de salariés de France Télécom passe au niveau des médias, passe la rampe de l'entreprise et de ce qui pouvait s'y passer. Donc sur cette référence, bon, pour nous c'est une référence, vraiment c'est quelque chose dont on est quelque part fier et admiratif. Bon, on a proposé, enfin on s'était aperçu aussi que dans les syndicats de solidaires, il y avait la question de la souffrance au travail était permanente, elle est partout, elle est dans tous les secteurs professionnels. Donc bon, il y a eu une assemblée générale en mars dernier qui a établi ce constat que la souffrance au travail était pas seulement à France Télécom, à la Poste, qu'elle était à Pôle Emploi, qu'elle était à la Caisse d'Épargne, qu'elle était dans les banques, qu'elle est absolument partout. Enfin, sans parler de, on a voulu intituler le justement cette instance, l'Observatoire de la souffrance au travail, qui va un peu au-delà du stress, parce que bon, il y a aussi au niveau des stress et des risques psychosociaux, ça fait un peu aussi tarte à la crème maintenant, quoi. On essaye quand même de, on dit pas qu'on va prendre en compte aussi les troubles musculo-squelettiques, les cancers professionnels, mais je veux dire, on veut avoir une approche globale et pluridisciplinaire de la souffrance au travail. Donc à la suite de ça, bon, on a eu un débat public en mai à la MEP, où Annick, d'ailleurs, était participante, avec Daniel Linhart, qui est sociologue donc du travail, et Patrick Ackermann, qui est le fondateur, si on peut dire, de l'Observatoire du stress. Bon, ça, il y a eu 30-40 personnes, c'était un demi-succès, un demi-échec. Bon, on a décidé de continuer, et on s'enrichit quand même de l'expérience de tous les des secteurs professionnels du syndicat de solidaires de Nord-Pas-de-Calais, donc qui sont présents à ces réunions. Donc au début, c'est un peu parti sur le bon, c'est un peu un exercice obligé, enfin un point de passage obligé, le côté un peu mur des lamentations, hein, c'est parce que les gens qui viennent là en général, ils souffrent quand même au travail et ils sont désireux d'en parler et de ils veulent qu'on les écoute. Et on a décidé assez rapidement de mettre au point des choses plus concrètes pour justement combattre cette souffrance au travail et bon armer les CHSCT, puisque c'est quand même le but de l'Observatoire régional solidaire de la souffrance au travail, c'est de mieux armer les équipes syndicales et les CHSCT devant un phénomène relativement nouveau. Alors donc les CHSCT, hein, donc les comités hygiène sécurité au travail. Alors comment se passent vos observations? C'est le collectif de l'Observatoire qui se déplace vers les CHSCT, vers les entreprises, ou vous avez des syndicats qui viennent vous voir, des représentants syndicaux? On a les gens qui composent cet observatoire sont patriés sur le volet. Je veux dire, tous les syndicats de solidaires sont appelés à s'y exprimer et à y participer. Mais on a décidé de mettre au point des choses modestes mais concrètes. Bon, on a un questionnaire intersyndical qui va faire le tour des syndicats en posant des questions relativement simples. Bon, c'est pas le énième questionnaire, bon, sur la souffrance au travail qu'on connaît. Il y a eu des constats qui ont été faits un peu partout. Bon, nous, on veut savoir où se situe particulièrement cette souffrance, comment elle se manifeste, qu'est-ce qui a déjà été fait au niveau des CHSCT, au niveau des équipes syndicales. Comment est-ce que cette souffrance est plus le fait de la hiérarchie, parfois des collègues, enfin, on pose tout ce genre de questions. On a aussi, parce que la notion de site internet était fondamentale dans l'Observatoire du stress de France Télécom, on a décidé de mettre, on a un site internet qui est prêt maintenant, qui est fait, mais bon, on doit encore l'alimenter. Ce qu'on veut, c'est avoir une démarche interactive avec les syndicats de solidaires au niveau des remontées, de ce qui se passe au niveau des expertises de CHSCT, de tout le travail qui est fait, et on veut aussi communiquer sur, faire passer des connaissances et des savoirs sur la souffrance au travail, parce que, comme l'ont dit... mes camarades qui parlaient précédemment, effectivement, c'est un phénomène qui est mal connu. Bon, il y a des tas de textes qui mettent la barre très haut, il y a des tas de textes qui engagent, mais en fait, les salariés dans leur boîte, dans leur entreprise, sont de plus en plus seuls. Il y a des communautés de travail qui n'existent plus. Il y a une concurrence entre les salariés. Il y a une injonction paradoxale qui consiste à dire vous êtes autonome, vous faites votre boulot comme vous le voulez, mais il y a aussi des critères de profit et des critères de rentabilité qui font que c'est le piège, quoi. Donc c'est tout ça qui est un peu en jeu. Et une troisième chose sur laquelle on attache beaucoup d'importance, c'est les formations sur ce thème. Donc il y a eu des formations de formateurs à Solidaire auquel j'ai pu participer avec un camarade, et on va mettre donc des formations sur les risques psychosociaux, la prise en charge des risques psychosociaux, donc à partir d'un cycle de formation qui va commencer à la mi-janvier et qui va s'étendre, enfin tous les 2-3 mois on fera des formations là-dessus, parce que c'est aussi une question de connaissance du sujet pour permettre aux salariés dans la difficulté justement de enfin je crois que l'essentiel c'est de dire que c'est pas en psychologisant les choses qu'on va y arriver, c'est pas en culpabilisant les salariés, c'est aussi par rapport à cette souffrance au travail qui doit être prise en charge collectivement et de façon militante et pas justement dans des approches de psychologie et de culpabilisation. Voilà, effectivement, donc c'est un discours d'action et voilà, c'est le but de la discussion de ce soir, hein, c'est quand même d'amener des éléments constructifs. Alors peut-être pouvez-vous donner l'adresse du site internet L'adresse du site internet, c'est OSAT, OSAT comme Observatoire Souffrance au Travail, 5962.org. D'accord, merci. Alors, on parle donc depuis tout à l'heure de la souffrance au travail, on essaie un peu de la caractériser. Alors, est-ce qu'à votre niveau, hein, c'est une question de journaliste que je vais vous poser, hein, bon, j'ai rien contre les journalistes, mais celle-ci n'est pas forcément très pertinente, vous en ferez ce que vous voulez. Est-ce que vous constatez, vous, dans votre travail quotidien, une augmentation des souffrances au travail? Et si oui, alors on a déjà un peu évoqué la question, mais quelles sont les causes profondes? Donc on a parlé de concurrence au travail, alors comment ça se manifeste dans la vie des salariés de tous les jours? Alors, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Simplement, dans mon milieu professionnel, je voudrais dire quand même que la souffrance au travail, effectivement, elle est présente, elle est prégnante, on la sent, quoi. Bon, le problème, c'est aussi le déni de cette souffrance, quoi. Les salariés veulent aussi faire face, montrer qu'ils font front malgré tout par rapport à leur charge de travail, alors que on a de plus en plus de phénomènes de pétage de plomb, de dépression nerveuse, enfin d'arrêt longue maladie, des éléments qui nous amènent à penser que cette souffrance au travail est bien présente et qu'elle doit se manifester, doit être prise en charge. Donc effectivement, comment elle se manifeste, moi j'entends souvent des discussions où vraiment la souffrance est diffuse, mais elle est bien présente, et c'est quand même les organisations du travail qui sont de plus en plus pathogènes, comme on l'a dit, et qui font que, avec cette injonction paradoxale, il y a une obligation de montrer qu'on est autonome et qu'on s'en sort bien, alors qu'en fait dans beaucoup de cas c'est pas vrai du tout, quoi. Cette injonction paradoxale, donc alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit? C'est quoi? C'est des directives sur le travail qui est demandé aux salariés, qui est irréalisable, c'est bien ça? C'est effectivement dans le jeu. Enfin, je pense déjà qu'il y a une sorte de taylorisation, c'est un gros mot, du travail dans les services, qui fait que déjà souvent le travail est de moins en moins intéressant parce qu'il est de plus en plus fragmenté. Et ensuite, donc, bah, y a une technique de management qui, alors pour le coup, qui me paraît énormément pathogène, qui consiste à voir à intervalles réguliers les salariés individuellement, en face à face avec le chef, donc comme je l'ai dit, à leur fixer des objectifs toujours plus, à les comparer, y compris dans l'entretien, à machin qui a fait plus. Enfin, c'est une sorte de retour du stakhanovisme, quoi. Et par rapport à la question plus ou moins de souffrance, je pense que les gens commencent à l'exprimer plus. Je ne sais pas s'il y en a plus, mais moi, j'en vois plus arriver dans mon bureau, avec souvent une grande confusion, parce que les gens viennent souvent dire qu'ils sont harcelés. Or, harcelé, ben on l'a dit, c'est quand même un comportement, enfin, c'est la conséquence d'un comportement particulier et volontaire, et illégal en plus, puisque celui-là, pour le coup, il est clairement interdit par le Code du travail, même s'il est souvent très difficile à prouver. Et souvent, les gens, ce qu'ils viennent raconter, c'est des histoires d'exploitation. Et la réponse à leurs problèmes, souvent, elle n'est pas à l'inspection du travail. Alors, des fois, l'inspection du travail, j'y reviendrai, mais elle n'est pas à l'inspection du travail, elle est au sein des organisations syndicales, pour se battre contre cette surexploitation, ce surpressage de citron, en quelque sorte, quoi. Yannick Macala. Oui, ben moi j'avais simplement, je vais vous citer un chiffre hein, qui le Bureau international du travail. Le Bureau international du travail, il évalue le coût global du stress à 3% du PIB dans les pays industrialisés. Ce qui veut dire que pour la France, c'est 60 milliards d'euros. Ça paraît fou. C'est 60 milliards d'euros pour réparer des situations de souffrance et de mal-être au travail qu'on pourrait utiliser en matière de prévention. Alors effectivement, les sources, je pourrais aussi témoigner sur le fait qu'on a mis en place et on met en place de plus en plus des évaluations à la performance individuelle. On attribue d'ailleurs des primes à la performance individuelle. Les États-Unis avaient lancé cette initiative en mettant, comme vous disiez, des travailleurs en concurrence, en attribuant des primes à la performance individuelle. Aujourd'hui, les États-Unis se rendent compte que ça n'apporte pas l'efficacité, la productivité attendue, puisqu'effectivement, à partir du moment où dans une équipe de travail, il y a une hiérarchie et une différenciation d'attribution de primes au regard de la compétence, il est vrai que si un travailleur a des difficultés, la solidarité et le collectif qu'on évoquait n'existent plus. Donc les États-Unis sont en train de revenir sur ce type de management au regard des résultats peu optimistes qu'ils en attendaient. Donc effectivement, autre indicateur, si on peut dire, par rapport à l'évolution de ce mal-être, on parle de plus en plus de suicides, comme l'évoque mon voisin, et des suicides qui sont aujourd'hui reconnus comme accidents du travail. Hein, ça, c'est important aussi, comme accident du travail. Et puis, on peut signaler aussi que la préoccupation sur la souffrance du travail, elle peut aussi se mesurer sur l'absentéisme. L'absentéisme est quand même un indicateur qui montre dans un service si le management est participatif, si les travailleurs sont dans un climat de bien-être au travail ou dans des organisations à flux tendu où c'est le stress constant, les résultats, le sens très difficile à trouver sur son activité professionnelle qui engendre ce mal-être au travail. Je vais jouer le candide, parce que quand vous nous dites que même les Américains font demi-tour sur ce nouveau type de management, vous qui travaillez dans la fonction publique, on entend parler du New Public Management, qui est le calque, on calque les méthodes de gestion, puisque management ça veut dire gestion quand même, hein, les méthodes de gestion du privé pour les transposer telles quelles dans l'entreprise publique. Et donc les dégâts se font déjà sentir. Enfin, dans l'éducation nationale, vous parliez de suicide, on a eu effectivement un fait divers dramatique et malheureux il y a quelques semaines. Alors oui, effectivement, ce sont des choses qui se font sentir. Bon, pour ne pas rester sur une vision trop pessimiste quand même, hein, parce qu'il y a la souffrance au travail effectivement, mais nous sommes là pour lutter contre cette souffrance au travail, hein, d'une certaine façon, en parler c'est déjà un grand pas. Peut-être pouvons-nous rappeler les moyens de lutte qui sont à disposition des salariés. Donc on parle depuis tout à l'heure du code du travail, des syndicats. Alors vous avez parlé dans le cas d'un exemple particulier de harcèlement. Alors un salarié harcelé aujourd'hui sur son lieu de travail, qu'est-ce qu'il peut faire concrètement? Moi, je vais dire, dans un des premiers ouvrages sur le harcèlement moral, l'auteur recommandait d'aller voir le DRH. C'est une méconnaissance complète de la submissie. Et c'est un bouquin qui est hyper célèbre, je vous assure. Et c'est une que je citerai pas, je veux pas être méchant, mais c'est une méconnaissance complète de ce que c'est que la relation de travail. Moi, je dirais, je veux pas être manichéen, mais disons, dans 90% des cas, faut surtout pas aller voir son DRH quand on se sent harcelé. Parce que lui, soit au mieux, il va essayer d'étouffer. Il faut aller voir le délégué, il faut aller voir le CHS, faut aller voir s'il y a pas de solution interne, faut aller voir l'inspection du travail. Il faut surtout pas rester seul, effectivement. Je compléterais aussi en disant qu'une personne qui est en souffrance, qui est harcelée, elle est souvent très démunie et puis elle est dans un tel état de fragilité qu'elle fait des fautes professionnelles, etc. Donc c'est important aussi, il y a les collègues, il y a l'entourage et c'est les collègues qui souvent alertent d'ailleurs des situations de dégradation de conditions de travail d'un agent, d'un travailleur. Et tout à l'heure, vous compariez la fonction publique au privé. Je rappelle, même si ça peut paraître audacieux ce que je vais dire, mais la fonction publique, son objectif, c'est quand même de veiller à l'intérêt général. Hein, donc, je tiens à le souligner. Et donc, effectivement, la souffrance au travail existe dans la fonction publique parce qu'il arrive aussi à ce que des travailleurs, fonctionnaires, s'interrogent aussi sur le sens du travail et sur cette notion d'intérêt général. Et combien d'inspecteurs du travail en France aujourd'hui pour environ 20 millions de salariés ? Alors pour environ 20 millions de salariés, il doit y avoir un bon 1500, 1600 inspecteurs du travail et contrôleurs du travail pour les petites entreprises. En gros, le ratio, c'est un agent de contrôle pour 1000 entreprises et 10 000 salariés. Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'on fait les pompiers plus que les préventeurs. On croire que la politique encore. Publique n'a pas pour objectif de lutter contre la souffrance au travail. C'est vraiment étrange. Mais ce n'est pas un hasard. Par contre, le discours, je tiens à dire ça, il y a tout un discours sur la prévention des risques psychosociaux. Et donc le gouvernement impose aux entreprises des plans de prévention des risques psychosociaux. Et ça fait le chou gras des experts, d'experts psychologisants. Et là, je tiens à le dire ici, c'est donc... Ces entreprises, elles font effectivement appel à un expert extérieur, plus ou moins spécialiste de la matière, en général à peu près spécialiste. Mais il y a un effet extrêmement pervers, c'est que comme l'approche de ces experts est souvent individuelle, en fait, plutôt que de donner des solutions pour lutter contre la souffrance dans l'entreprise, il va donner des outils pour apprendre aux salariés à accepter de souffrir. Et ça, c'est quand même assez terrible, parce que finalement, on leur apprend à gérer leur stress, comme si c'était normal d'être stressé. On leur apprend à gérer les objectifs qu'on leur donne, comme si c'était normal d'avoir des objectifs inaccessibles, etc., etc. Voilà. Et donc, je trouve que c'est une dérive par rapport à une prétendue politique de prévention des RPS qui est particulièrement grave, quoi. Effectivement. DJ Delinotte, vous voulez rajouter quelque chose ? On a de plus en plus de cabinets, de consultants qui vous expliquent qu'il y a le bon stress à gérer et le mauvais stress. C'est un peu comme le cholestérol, quoi. Mm-hmm. Devant ces espèces de théories, je le répète, psychologisantes, on est complètement désarmé. Enfin, il faut justement éviter pas que les salariés tombent dans ce genre de piège. Bon, il y a quand même une certaine entre les DRH et ces soi-disant experts, il y a quand même une certaine connivence et c'est ça aussi qu'il faut dénoncer, et c'est ça aussi qu'il faut combattre. Merci. Bon, nous pourrions continuer à en parler pendant des heures, malheureusement le temps imparti est limité. Juste un petit mot pour conclure, effectivement les moyens de lutte sont très nombreux et le mouvement social reste la meilleure façon de lutter contre la souffrance au travail, hein, c'est l'instauration du rapport de force, je pense que nous sommes tous d'accord. Pour conclure là-dessus, et un petit mot, on a parlé de la souffrance au travail aujourd'hui, on aurait pu consacrer une émission à parler de la souffrance au non-travail et au chômage. Bien entendu, c'est pas ici question de diviser le salariat, puisqu'un chômeur est un salarié sans emploi, ne l'oublions pas. Merci à tous les trois, c'était vraiment une émission fort intéressante. Merci à Gaëtan de manager ça comme un chef. Voilà, on va se faire un peu de musique avant de passer à la dernière partie de l'émission. Buller, le voilà. Eh bien, c'est super. C'est l'histoire d'un Pékin qui avait inventé une machine à remonter le temps. Non pas qu'il fût poussé par la curiosité, mais c'était pour dormir plus longtemps. Il se disait le soir, je m'en vais remonter mon engin comme un réveil matin. Quelques heures en arrière, je vais me propulser et je dormirai jusqu'au matin. Mais le pauvre Bizu qui croyait tout prévoir se préparait un avenir noir. Quand il rentrait très tard, les yeux lourds de sommeil, le geste vague et l'esprit brumeux, d'une main hésitante, il prenait son réveil, le réglait, puis s'endormait heureux. Le crétin dans sa cuite avait trop reculé la petite aiguille et tout l'attirail. Et un quart d'heure après, il était réveillé un jour avant à l'heure du travail. Et quand tout fut au point, notre triste maniaque était devenu un insomniaque. Son enfer culmina quand il se maria avec une poupée en amour. Il lui dit, tu verras les nuits qu'on se fera, elles dureront des jours et des jours. Mais le soir de ses noces, quand il voulut remplir ses devoirs de mari consciencieux, s'aperçut que le contact pouvait pas s'établir, il y avait 2 heures d'écart entre eux. Rageur, il écrasa le fatal instrument qui avait désuni les amants. Il le tornit si bien qu'il attend maintenant sa petite femme en l'an 2300. fragen, alle kurze schon zwei Tagen, nichts mehr zu sagen, kein Leid mehr zu beklagen. Und ich nahm den Wagen und ging vor ihm in die Knie. Ich sagte, ich weiß nicht weiter, war ich noch nie, war ich noch nie. Ich und der Wagen und der Bienenschwarm im Magen und die Straße, die zu schlagen war. Wir haben uns vertragen, aber vor zwei Tagen ging der Wagen in die Knie. Er sagte, ich weiß nicht weiter, war ich noch nie, war ich noch nie. Passer à la dernière partie de l'émission, donc conseils ou fiches de lecture, comme vous voulez. Je commence avec un livre d'économiste Christian Chavagneux, Une brève histoire des crises financières des tulipes aux subprimes. C'est à la découverte et ça coûte 16,50 €. Un vrai livre d'économiste, Christian Chavagneux, qui est rédacteur en chef d'Alternatives économiques, mensuel obligatoire pour celles et ceux que les questions économiques préoccupent, nous gratifie d'un ouvrage sérieux et en même temps très plaisant à lire, au moins pour une grande partie de l'ouvrage, c'est plaisant, j'explique pourquoi. Ce livre est sérieux, c'est une thèse qu'il défend, la thèse selon laquelle, à l'origine de toute crise financière, il y a une innovation, innovation qui, à chaque fois, va bouleverser le monde de la finance. Il est plaisant aussi, ce livre, puisqu'à l'appui de sa thèse, l'auteur nous fait faire un voyage dans le temps, jusqu'au XVIIe siècle, puisqu'il s'agit de la crise financière due à la spéculation sur les bulbes de tulipes, exemple connu des économistes et des Néerlandais seulement. Du XVIIe, on passe au XVIIIe avec John Law, l'as prononcé Voltaire, paraît-il, aventurier écossais, manifestement doué pour la finance et la monnaie, qui amènera l'État à la banqueroute, sans oublier d'enrichir le régent au passage. Une crise américaine de 1907, que je n'ai pas beaucoup retenue, et surtout la crise majeure de 1929. Quatre crises que Chavagneux va détailler en économiste qu'il est, mais sans oublier que ce sont des hommes qui ont agi avec leur psychologie, avec les luttes d'influence et les jeux de pouvoir. C'est la partie plaisante de l'ouvrage. On rencontre ça là, Montesquieu, Voltaire, Marivaux et même Bertrand Tavernier, rappelant son merveilleux film sur la Régence. La deuxième partie de l'ouvrage, qui comporte deux chapitres, le cinquième et le sixième, très pédagogique, très clair, mais pas facile forcément. Chavagneux donne effectivement les armes pour comprendre la concurrence. Il parle d'ailleurs des armes de concurrence massive. Ces fameuses innovations sont des armes de concurrence massive. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Eh bien que ces innovations sont faites avant tout pour avoir un avantage sur les concurrents et sur les produits existants. Et il ajoute que contrairement aux innovations techniques qui apportent du plus à la vie de tous les jours, la carte de crédit pourrait servir d'exemple, la finance va viser à obtenir une ou plutôt la plus grande part du marché, une plus grande part des placements ou de la gestion des risques. Plus la concurrence est élevée et plus l'innovation est présente pour gagner des parts de marché. Ne dites pas que vous n'avez pas entendu parler des CDO, des CDS et des SPV en ce moment. Il nous dit, Chavagneux, c'est un outil d'un jeu à somme nulle qui sert en premier lieu à des transferts de revenus. Donc pas vraiment de création de richesse, pour tout dire. Et pour sa démonstration, Chavagneux s'appuie sur ses propres exemples, évidemment. Autre point à signaler, à l'aide de graphiques empruntés à Thomas Piketty, qui se fait connaître aujourd'hui sur la question de finances et d'impôts, Chavagneux nous fait comprendre que la crise de 29, comme celle de 2007-2008, suivent des périodes de fortes inégalités. Les inégalités, le carburant de la crise, dit-il, ont la tendance à le croire. Dernier temps, le temps des régulations, je vais conclure très vite. La grande leçon de Roosevelt, nous dit Chavagneux, c'est que les pouvoirs publics doivent préférer la stabilité à la rentabilité. Grande leçon que pourraient méditer les Grecs aujourd'hui avec Mario Monti et Luca Papademos de Goldman Sachs Brothers. Je vous propose un livre de Pierre Priolet, qui est arboriculteur en Provence. C'est intitulé « Les fruits de ma colère, plaidoyer pour un monde paysan qu'on assassine » aux éditions Robert Laffont, qui est disponible en librairie. On peut le commander sur Internet, via Amazon. On le trouve aussi chez France Loisirs, mais il faut être adhérent, au prix d'environ 15 euros. Alors, si vous voulez savoir de manière détaillée comment le monde agricole est peu à peu détruit par les perversités du libre-échange, de la concurrence soi-disant libre et non faussée, des règles de l'OMC, de la politique agricole européenne, des pratiques scandaleuses de la grande distribution et des banques, je vous recommande ce livre. Antoine va nous finir la soirée en nous disant ce qu'il ne faut pas manquer en dehors, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la messe de minuit et du réveillon. Eh bien, dès demain, Christian, 16 décembre, j'ai noté 4 rendez-vous au choix, à savoir crise, dette, austérité, comment en sortir, quelles solutions, sous forme de rencontre avec l'économiste Jacques Généreux à la Maison d'éducation permanente, place Georges Lyon à 19h, ou bien un voyage en cybernétique. Ce documentaire évoque l'empire croissant des technologies numériques à 19h30 au cinéma L'Univers rue Danton à Lille. Ou encore l'éducation populaire au travail, qui sera le thème du prochain cabaret de l'Union de 19h à 23h au théâtre Pierre de Roubaix, toujours au boulevard de Belfort à Roubaix, où d'ailleurs sera prévu un buffet. Et puis il y a même enfin Fortune et infortune des familles du Nord de Gilles Balbastre, film documentaire en présence du réalisateur, suivi d'échanges sous la forme d'un café citoyen, en plus d'un cocktail dînatoire, à 18h à la Maison des Services, au 8 rue de l'Europe à Tourcoing. Après-demain, 17 décembre, venez semer symboliquement des semences de ferme dans des espaces verts de la commune de Falampin. À l'initiative de la Confédération Paysanne, un rendez-vous est fixé à 11h sur la place de ce village, place Jean-Baptiste Cogé. Dans l'après-midi, à partir de 16h, sera dressé un arbre de la solidarité, suivi d'une soirée Roms à la maison de quartier Vauban et Kerm au 77 rue Roland à Lille. Et le soir même, une soirée payante intitulée « Freedom », hommage à Mandela, se déroulera sous la forme de conférences-spectacles et de slam-lectures à partir de 19h30 à la Baraque Azem, au 38 rue d'Anvers, dans le quartier de Oisem, à Lille. La CIMAD propose une soirée Théma, femmes étrangères victimes de violences, le 20 décembre, à partir de 20h, au cinéma L'Univers, rue Danton, à Lille. Dans la première quinzaine de janvier 2012, sont déjà programmées 3 conférences, telles que « Face au changement climatique, aux contraintes énergétiques et aux risques nucléaires, comment dépasser la crise ?» C'est la question posée par les Amis du Monde Diplomatique le 6 janvier à 20h, au théâtre La Rose des Vents, boulevard Van Gogh à Villeneuve-d'Ascq. La politique de la peur, le 17 janvier à 18h30 à l'espace culture de la cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq. Et enfin, les révolutions africaines où l'ambiguïté de la France dénonce survie, le 19 janvier à 19h au théâtre La Verrière, rue Alphonse Mercier à Lille. Sinon, je vous rappelle que des assemblées générales et populaires du mouvement des indignés de la République se tiennent à Lille toujours à 19h, chaque mardi et jeudi sur la Grand Place et chaque vendredi square Richebey près de la place de la République. Vous pouvez retrouver ce calendrier militant sur le blog d'Attaque Lille, www.attaquelille.over-blog.com. La prochaine émission d'Attaque Lille sur Radio Campus 106.6 se tiendra le 19 janvier de 19h à 20h et aura pour thème l'audit citoyen. D'ici là, Attaque Lille vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Nous vous y disons donc à l'année prochaine. Que veux-tu ajouter à ça ? Merci, merci tout le monde. Merci Antoine, merci René et merci Germain. Voilà, bonne fête de fin d'année après tout. Que me dejara con un saludo muy gentil. Era tan linda, tan pequeñita, y hacia el olvido la vi partir. Un rincón de paraguas a cambio de andar con un ángel no estaba mal. Conocí el paraíso, pero aún no lo sé si ese día perdí o gané. Française, français.